Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Map montre au bagay sa yo pour dire moi comment yo relé. Map montre au bagay sa yo pour dire moi comment yo relé. La clé. C'est yon clé. C'est yon clé. Le verre. C'est yon verre. C'est yon verre. La montre. C'est yon montre. C'est yon montre. Les lunettes. C'est yon lunette. C'est yon lunette. Le téléphone. C'est téléphone. C'est téléphone. Le peigne. C'est yon peigne. C'est yon peigne. Les ciseaux. C'est yon ciseaux. C'est yon ciseaux. Le rasoir. C'est yon rasoir. C'est yon rasoir. L'enveloppe. C'est yon enveloppe. C'est yon enveloppe. Le crayon. C'est yon crayon. C'est yon crayon.